صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، الله في رسوله لكريتي لزنبه في المدر. Dans ce verset, il nous enseigne la sagesse pour laquelle nous avons tous été créés. Il est autre que l'adoration d'un culte sincère, subhanahu wa ta'ala. Sachez mes frères, que parmi les meilleures adorations, celles qui nous rapprochent le plus d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a la bienfaisance envers les parents. Il y a le bon comportement envers les parents. Et devant l'importance de cet ordre, Allah, subhanahu wa ta'ala, a cité cet ordre-là, et ce droit-là à côté de son ordre, à côté de l'ordre de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la reconnaissance envers Allah, il nous a cité la bienfaisance envers les parents et le fait d'être reconnaissant envers nos parents. Il nous dit dans son livre, et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui, et la bienfaisance envers les parents. Et la bienfaisance envers les parents. Il a donc mis le droit le plus suprême à côté du droit des parents. Il nous dit dans un autre verset, et votre nous avons rejoint la bienfaisance envers vos parents. Sa mère a porté peine sur peine, et son sevrage a eu lieu en 2 ans. Soyez donc reconnaissants envers moi, ainsi qu'envers vos parents, et c'est vers moi que se fera votre retour. Donc la bienfaisance envers les parents est une adoration immense, et cela a la plus grande importance dans notre religion. La bienfaisance envers les parents consiste à bien se comporter envers eux, à être doux envers eux, leur obéir, sauf devant celui qui s'est mal garé ou qui pense être mal garé, qu'il sorte et aille voir sa voiture. La bienfaisance envers les parents consiste à bien se comporter envers eux, être doux envers eux, leur obéir, sauf devant la désobéissance, dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, s'enquérir de leurs états, être au courant de leur état, les visiter et se mettre à leur service, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, et cela de leur vivant et après leur mort. Et le droit des parents ne s'arrête pas avec leur mort, mais il continue même après leur mort, comme le fait de visiter les amis du père après sa mort, comme cela est venu dans un hadith. Et parmi les choses qui vont t'aider à bien te comporter envers tes parents et leur donner leur droit, le fait de méditer sur tout ce qu'ils ont fait pour toi, de te rappeler que ce sont la cause de ta venue au monde. Ce sont la cause de ta venue au monde. Voici cette chère mère qui a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour toi avant même que tu viennes. Elle a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner un enfant pieux et te voici aujourd'hui. Et te voici aujourd'hui, est-ce que tu t'es montré reconnaissant? Et voici ce cher père qui a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner un fils pieux, de lui donner une fille pieuse. Est-ce que tu as été à la hauteur de ses invocations? Cette mère porte son enfant peine sur peine comme Allah le dit dans son livre, pour un minimum de 6 mois, et ce jusqu'à compléter 8 mois. Son corps change. Et elle sacrifie sa jeunesse pour toi. Elle souffre jusqu'à l'accouchement. Et cela est encore plus douloureux que ces longs mois. Et lorsqu'elles accouchent, certaines parmi elles ne restent pas en vie. Certaines sont mortes pour avoir donné vie à leurs enfants. Après cela, lorsqu'elle te voit, elle oublie toute cette souffrance. Toute cette souffrance disparaît lorsqu'elle te voit venir au monde. Plus elle t'allait durant de nombreux mois. Avant que tu bénéficies de la meilleure subsistance, le lait maternel. Elle se lève la nuit afin que tu puisses dormir toi. Elle te change et prend soin de toi en espérant que tu vives longtemps. Est-ce que cette femme-là, cher père, ne mérite pas la plus grande considération? C'est donc une obligation de prendre soin de ses parents. Et voici le père qui sort tôt le matin à la recherche de la subsistance. Il se réjouit de travailler durement afin de mettre ses enfants à l'abri du besoin. Et tout ce que tu pourrais faire après cela ne sera qu'une reconnaissance. Alors ne te demande pas de ton comportement envers tes parents, ni de ce que tu peux dépenser pour eux maintenant qu'ils ont atteint l'âge avancé. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme c'est venu dans le hadith de Abu Hurayra, muslim, aucun d'entre vous ne pourra s'acquitter de ce qu'ont fait ses parents pour lui, tant qu'il ne trouvera pas ses parents esclaves, qu'il les achètera, puis les affranchira. Subhanallah. Donc il peut s'acquitter de l'ensemble des droits de ses parents. Et la bienfaisance envers les parents n'est pas propre aux parents musulmans. Mais l'islam est une religion tellement parfaite qu'elle a rejoint la bienfaisance même envers les parents non musulmans. Et cela a été relaté de la meilleure façon, soit variable, concernant l'histoire d'Ibrahim avec son père, qui pourtant faisait les idoles et envoyait les gens les vendre. Abu Huraira radiallahu anhu également, sa mère n'était pas musulmane, il l'a appelé à l'islam. Et un jour, elle lui a fait entendre de mauvaises paroles sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en pleurant. Puis, il a raconté cette histoire. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cela, il a fait dua pour la mère de Abu Huraira. Et lorsque Abu Huraira radiallahu anhu est rentré, sa mère lui a dit « Attends, n'entre pas ». Ensuite, elle a ouvert la porte, elle portait un voile. Et a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Elle est rentrée dans l'islam, car Abu Huraira l'a appelée à cela et à votre bon comportement par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette adoration a plus grande importance dans notre religion. Et il y a de nombreux bienfaits qui découleront de cette action, ya Abdallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que on l'a questionné sur la meilleure action, il a répondu la prière en son temps. On lui a dit ensuite au message d'Allah, il a répondu la bienfaisance envers les parents. Ensuite au message d'Allah, le combat dans le sentier d'Allah. Il a donc fait devancer la bienfaisance envers les parents devant le combat dans le sentier d'Allah. Celui qui est bienfaisant envers ses parents aura ressemblé au meilleur des créatures, les prophètes et messagers. Comme Allah nous raconte dans Sourate Maryam en parlant de Isa, et j'étais bienfaisant envers ma mère et je n'ai pas été un pécheur. Et quelqu'un voit la perdition. Et il nous parle de Yahya en nous disant des paroles semblables. La bienfaisance envers les parents est une cause pour vivre longtemps et avoir beaucoup de subsistance. C'est une cause de richesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui veut qu'on lui allonge son âge et qu'on augmente sa subsistance, qui lie les liens de parenté. La bienfaisance envers les parents est une cause pour qu'Allah nous pardonne nos péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été visité par un homme qui lui a dit, au message d'Allah, j'ai fait un péché énorme. Est-ce que je peux me repentir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui. Est-ce que tu as tes parents en vie? Il a répondu non. Ensuite, il lui a dit, est-ce que tu as ta tante maternelle? Il lui a dit alors, sois bienfaisant envers elle. Donc la bienfaisance envers les parents est une cause pour qu'Allah te pardonne les péchés. Celui donc qui a trouvé ses parents en vie, ses deux parents, ou bien un de ses deux parents, qu'il sache que c'est une cause pour qu'on lui pardonne ses péchés. Tout comme c'est une cause pour entrer au paradis, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il est rentré au paradis et entendu une récitation. Il a demandé qui est cette personne qui récite au paradis. On lui a dit « Al-Harithatu ibn Nu'man ». Al-Harithatu ibn Nu'man. Et il était bienfaisant envers sa mère. Il était bienfaisant envers sa mère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que soit perdu. On a dit qui au messager d'Allah? Il a répondu celui qui a atteint ses deux parents, ou un de ses deux parents ayant atteint un âge avancé, lui il n'entre pas au paradis. Celui qui trouve ses parents en vie, puis meurt et n'entre pas au paradis. Celui-là sera le grand perdant. De cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous enseigner que les parents sont une grande cause pour entrer au paradis si nous nous comportons bien avec eux. Et plus énorme que tout ça, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui t'a créé à partir de rien, celui pour qui tu te lèves, celui pour qui tu pries, celui qui tu aimes par-dessus tout, celui dont tu redoutes la menace et tu espères tout le bien, tu peux avoir son agrément si tu te comportes bien envers tes parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'agrément d'Allah, l'agrément du Seigneur vient avec l'agrément des parents. Et la colère du Seigneur vient avec leur colère. Donc mettez-vous à l'abri de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala en vous éloignant de la colère de vos parents. Combien sont les parents qui viennent nous voir et nous disent que leurs enfants leur répondent? Combien sont les parents qui viennent nous voir et qui nous disent que leurs enfants sont désobéissants? Combien sont les enfants qui volent de l'argent à leurs parents, wal'iyadoubillah? Combien sont les enfants qui lèvent la main sur leurs parents, Allah? On m'a appelé pour me dire qu'un homme est rentré chez lui et qu'il a frappé sa sœur. Ensuite, sa mère a défendu sa sœur et il a frappé sa mère au visage, wal'iyadoubillah. Wal'iyadoubillah. فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُ هَذَا هُوَ الشَّقِيُّ. Celui qui se comporte de la sorte, wallahi, c'est le grand malheureux dans ce parcours. Et on a peur pour lui dans l'au-delà s'il ne se repent pas. Celui qui ose lever sa main sur ses parents, alors qu'ils sont la cause de sa venue dans ce bas-monde-là, quelle place espère-t-il avoir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc craignez Allah, chers frères et chers sœurs, et rapprochez-vous d'Allah par la bienfaisance envers vos parents. Et éloignez-vous de tout ce qui peut causer leur colère. As-salallahu subhanahu wa ta'ala wa fiqana ila kulli khayr. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma a'izz al-islam wa al-muslimin. Allahumma a'izz al-islam wa al-muslimin. Wa adhilla al-shirk wa al-mushrikin. وأذل الشرك والمشركين والحمد لله رب العالمين.